Bonjour, bonjour. Vous prenez bien les pensions tickets? Bien sûr. Oh, c'est votre pension fils? Oh. Oui, c'est mon pension fils. Et vous en êtes content? Ah, j'en suis très content. Depuis que pension man est passé, tout a changé dans ma vie. Pension man peut tout vous sauver. Super héros non cagoulé. Envoie chèque long courrier. Pension man peut tout vous sauver. Super héros non cagoulé. Disco même en tournée. 50% pour la prod, 50% les impôts, 50% le divorce, 50% de 50 privilèges. J'crois j'suis dans le mal blanc hétéro, si genre carnivore. Privilège. J'crois j'suis dans le mal blanc hétéro, si genre carnivore. Privilège. Qui veut un salaire, je lui fais un gosse. Qui veut un salaire, je lui fais un gosse. Qui veut un salaire, je lui fais un gosse. Qui veut un salaire, qui veut un salaire. Qui veut un salaire, je lui fais un gosse. Qui veut un salaire, je lui fais un gosse. Qui veut un salaire, je lui fais un gosse. Qui veut un salaire, qui veut un salaire. C'est mieux que la CAF, c'est mieux que la CAF. C'est indexé sur les revenus du père, c'est mieux que la CAF, c'est mieux que la CAF. Ça n'en finit jamais de monter, sœur, c'est mieux que la CAF, c'est mieux que la CAF. C'est indexé sur les revenus, choisis bien le père, suis monter la tasse. Toujours moins rentable que la passe. Bitch, pas besoin de taffer. Suffit de faire cracher. Élever mes portraits crachés. La juge me fera cracher. Bitch, je suis tracé. Je ne peux rien cacher. Je sais ce que je vais faire de tout cet oseille. Je vais te le passer. Pas d'heure à pas protéger. Jamais. Meilleure rentabilité. Ton CDD c'est la précarité. Et pension man c'est la tranquillité. Yeah. Un seul enfant et c'est déjà 20 ans. Salaire garanti. En plus si tu rends l'enfant un peu lent, t'en fais un tanguy. Tu peux en avoir pour plus de 30 ans. 30 ans. 30 ans. Rencontre. Aucune boîte peut te garantir pareil. Arrête tout de suite de prendre la pilule. Envoie un DM avec date, heure et adresse. Alors moi c'est Samantha, j'ai pensé au 31. J'suis ton sauveur si t'as arrêté les études. J'suis ton sauveur si t'as plus un pour le PQ. Le crossover, pension man contre le déluge. J'te fais un gosse que je reconnais à la mairie. Après j'me casse et j'te laisse en maman célib. Sinon j'peux pas te verser le salaire que tu mérites. Virement mensuel sur une durée indéfinie. Virement mensuel d'un montant indéfini. Un seul enfant peut rapporter jusqu'à 6 000. Appelle pension man, sois pas timide. Pension man. Pension man. Pension man, appelez pension man. Pension man, pension man. Pension man, appelez pension man. Mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est sûr font preuve de perfidie. S'approche du précipice, vont rappeler Cofidis. Mais qu'est-ce qu'ils disent? C'est sûr font preuve de perfidie. S'approche du précipice, rappelle Cofidis. J't'écoute, je fais l'effort. Déjà d'ouvrir les yeux. Comprendre c'est mon ressort. Pardonner celui de Dieu. Non, ne serre pas la main. Sans toi j'suis à la bien. J'bosse pour vivre comme un boss. Qui te décourage à la fin. Si la pierre feuille, ciseaux puits. Si la pierre feuille, ciseaux puits. Lave-moi en ciseaux puits. Passe-moi ton 06. Montre-moi ton frigo vide. J'vais te sortir de là. C'est pas des idiots si. C'est sûr tu connais John. Pension man. Pension man. Pension man, appelez pension man. Pension man, pension man. Pension man, appelez pension man. Appelez pension man, le super héros des pensions. Vous avez besoin d'un salaire? Il vous fait un enfant. Si vous ne voulez plus travailler, si vous n'avez pas de diplôme, appelez pension man.